Le mic est chargé comme un 12. Tiens non scié. Écoute pas. Click pow. Sans baisser les bras, tous unis contre les tailles, puis nos têtes sont en métal. Quand on débarque sur le mic, c'est comme une injection létale. Ok, écoute, c'est Brodeur canoncier. Retiens ton souffle, les oreilles vont te sciler. J'ai pas du couvre d'un ghetto ou d'une cité. Ici aussi, on fait les mots sans trop hésiter. J'fuck ton système. On vient spit un nouveau classique, canoncier, brodeur, sort les blasters. Notre son électrocute comme un taser. On arrive dans le game, on vient traverser les gates. Et que ça se gâte ou pas on gagne, let's go. C'est chaud, BRO. Featuring GCROI, Pisa et l'ami. Ça tue comme un tsunami, c'est l'habitude. Sur le sud comme sur le nord, on collabore en métaphore. Des projets pour te mettre à mort. Si t'es un porc, on t'exécute sur le chat. Te reconnais-tu dans mon chat quand c'est la haine qui s'échappe. À chaque fois que je gratte mes cordes vocales. Je le fais par amour, quitte à finir dans un bocal. Bokeh pour 10, nique la police. Je traîne encore mes cicatrices, mon territoire c'est fleur de lys. Vu que les livres sont ouverts, mon nom je voulais écrire en haut. Mon opinion a découvert la famille des copes au micro. Ok, écoute, c'est Brodeur canoncier. Retiens ton souffle, les oreilles vont te sciler. J'ai pas du couvre d'un ghetto ou d'une cité. Ici aussi, on fait les mots sans trop hésiter. J'fuck ton système. J'pète le beat sur 3, 4, 5, même système. Un gros big up system. BRO canoncier, explore ton canoncier. Le mic est chargé comme un 12. Canoncier. Écoute, click par Brodeur canoncier.